Alors, le titre a été modifié en cours de route. Au départ, j'avais eu l'intention de présenter le livre dont Madame Skunk nous a parlé, a fait l'évocation tout à l'heure, de l'histoire métallique de l'Empire de Russie, dédié à Catherine II en 1772. Mais il se trouve qu'entre-temps, j'ai trouvé un manuscrit, et un très beau manuscrit. Donc, j'ai choisi de vous présenter ce manuscrit. C'est quand même plus intéressant qu'un imprimé, même si l'imprimé a été largement diffusé. C'est un manuscrit qui est inconnu, que je n'ai trouvé mentionné dans aucune source, et qui se trouve, peut-être parce que justement, il n'est pas dans le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, mais il se trouve au département des estampes. Voilà. Alors, j'ai donc modifié mon titre. Un manuscrit du département des estampes de la Bibliothèque nationale de France, l'histoire métallique du tsar Pierre Ier vers 1730. Alors, ce manuscrit est anonyme, 100 pages de titre, et ce titre est inscrit sur le dos de la reliure, une reliure sans intérêt, qui est une reliure cartonnée. Le catalogue date ce manuscrit de 1730 par évidence interne, car la dernière médaille est une médaille du couronnement de la tsarine Anne à cette date, en 1730. La provenance, eh bien, la provenance du manuscrit, c'est la collection du maréchal duc de Richelieu, dont vous voyez ici la marque de collection riche. L'initiale de son nom. Et donc, vous avez cette marque de collection sur chacun des 43 feuillets, puisque c'est donc le catalogue d'une série métallique de Pierre le Grand de 43 médailles. Cette collection a été acquise par le manuscrit a été acquis par le département des estampes de la BNF en 1789 lors de la vente de succession du maréchal duc. Ça faisait partie d'une série de 52 volumes in folio intitulés Anecdotes de notre temps depuis 1715 jusqu'en 1736. Et cette collection de 52 volumes in folio est célèbre parce que parmi ces 52 volumes, il y en a 8 qui sont des recueils d'échantillons de tissus. Et on fréquente cette collection aujourd'hui essentiellement pour ces échantillons de tissus. Les autres volumes étaient composés de gravures et ont été démembrés. Mais on retrouve facilement les gravures à cause de la marque de collection qui figure sur toutes les pièces. Richelieu était un grand homme de guerre. C'est le héros de Fontenoy, le héros de Port-Mahon, où son cuisinier a créé la mahonnaise, sauce qui s'y est répandue ensuite. C'était un grand homme à femme. J'ai été surpris de voir dans le fonds Richelieu, le très sérieux fonds Richelieu de la Sorbonne, les correspondances de 25 de ses maîtresses, et ce n'est qu'une partie. C'était aussi un grand homme de culture, avec une bibliothèque importante, bibliothèque dans laquelle figurait l'édition de 1723 du livre des médailles de Louis XIV, l'édition de Godenech, l'édition de 1723 reliée en maroquin rouge, l'édition de Godenech reliée en maroquin bleu. Donc on sait tout ça par la vente de sa succession. Il avait aussi une collection de médailles antiques et modernes, et aussi une collection importante de jetons. Bien. Et alors, d'où venait cette collection? Elle n'avait pas été constituée par Richelieu lui-même. Il l'avait acquise d'un autre personnage important, qui était le comte de Maurepas, secrétaire d'État à la marine. Et là, les circonstances de cette acquisition ne sont pas élucidées. Mais on sait que ce fonds de 52 volumes vient du comte de Maurepas. On sait même que cette collection de 52 volumes a été constituée par l'intendant général de la marine qui était à son service, Rodeau, mort à Versailles en 1737. Bien. Alors, je vais d'abord évoquer la diffusion des médailles de Pierre le Grand grâce à l'exemple de Voltaire, qui était un ami de Maurepas, mais surtout, enfin qui connaissait Maurepas, Il y a, quelques correspondances, mais surtout il y a une longue correspondance de Voltaire avec le duc de Richelieu. Et le duc de Richelieu, eh bien, je vais vous montrer son, portrait. Où est-ce que je dois... ici, cliquez pour la suivante. Là. Voilà, le voilà le duc de Richelieu, qui était la coqueluche des, femmes de la cour sous la Régence et sous Louis XV. Hein. Il a eu trois épouses successives. voilà. Alors, nous en arrivons maintenant donc Voltaire. Ce sera ma première... je vais essayer de, situer la, les collections de, médailles de Pierre le Grand, les séries de médailles de Pierre le Grand, dans cette correspondance de Voltaire avec le comte Shuvalov, que vous avez ici, dans un portrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qui se trouve au musée de North Carolina, aux, États-Unis. J'en profite pour remercier son arrière-petite-nièce qui est présente aujourd'hui, qui honore notre assemblée de sa présence aujourd'hui. Et je trouve que Alexandra, vous lui ressemblez, notamment votre regard est assez semblable à celui du, comte Shuvalov. Alors, je vais donc commencer par évoquer Voltaire et les séries numismatiques de, Pierre le Grand. Et en second lieu, je vais comparer ce manuscrit avec le livre des médailles de Louis XIV, dont il s'inspire manifestement. Et puis, je vais aussi, pour finir, comparer ce manuscrit avec les histoires métalliques du, tsar qui ont été publiées au XVIIIe siècle. Il y a plusieurs références possibles. Alors d'abord, Voltaire. Voltaire, après avoir publié son histoire de Charles XII, s'intéresse à Pierre le Grand. Et la première mention dans sa correspondance de l'histoire de Pierre le Grand qu'il projette, c'est dans sa correspondance avec Frédéric II de Prusse. En 1737, il demande des documents. Il ne s'adresse pas à des Russes, il s'adresse à Frédéric II de Prusse. Et ensuite, dans sa correspondance, épisodiquement, cet intérêt pour Pierre le Grand réapparaît. Mais c'est en 1745 que la... l'affaire va prendre forme, puisque en 1745, Voltaire est devenu historiographe de France et que c'est lui qui va être chargé par Louis XV de rédiger le remerciement à l'impératrice Élisabeth de Russie pour sa médiation dans la guerre de succession d'Autriche. Et l'année suivante, Voltaire est, nommé académicien des sciences, dans l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Il relance donc son projet d'histoire de Pierre le Grand, mais la tsarine ne répond pas parce qu'il y a dans l'académie quelqu'un qui, est déjà chargé de cela. Il s'agit d'un Allemand, Müller, secrétaire perpétuel de l'académie. Cela dit, Voltaire persévère dans son projet et en 1748, il publie une première étape, un préliminaire, avec les anecdotes sur le tsar Pierre le Grand. Et puis, finalement, il va arriver à la rédaction de cette histoire de Pierre le Grand, et c'est en 1757 que l'affaire prend tournure. Il est invité à Saint-Pétersbourg, mais il décline l'invitation à cause de son âge. Cela dit, il se met au travail. Et il a alors un correspondant à Genève, Théodore Veselovski, correspondant représentant la cour russe, et... ce correspondant, l'informe que le comte Ivan Shuvalov, donc favori de l'impératrice Élisabeth, a reconnu ses mérites et ses talents. Et je cite donc cette lettre de Théodore Veselovski d'information à Voltaire. Ce seigneur, donc il s'agit du comte Ivan Shuvalov, dont vous avez le portrait sous les yeux, ne pouvant se flatter de vous attirer dans sa patrie, pour mettre la main à un tel ouvrage, j'espère que dans votre retraite ici, vous n'aurez aucune répugnance d'entreprendre cette histoire qui ne fera qu'ajouter un nouveau lustre à votre brillante réputation et qui vous sera d'autant plus facile à exécuter que ce seigneur pourra vous envoyer tous les mémoires et matériaux nécessaires. Il y a, d'ailleurs, une collection de médailles en or des principaux événements du règne de Pierre le Grand qui pourrait vous aider dans cet ouvrage et qu'il m'a chargé de vous offrir, monsieur, comme une marque d'amitié et d'estime qu'il a pour vous. En vous les faisant parvenir, il serait flatté que vous les agréassiez. Bien. Alors, le cadeau est présenté sous des formes qui doivent le rendre familier à Voltaire. Je remarque d'ailleurs que l'intitulé choisi pour présenter cette collection de médailles imite le titre du livre de Louis XIV, Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand. Et donc, Veselovski écrivait « Une collection de médailles en or des principaux événements du règne de Pierre le Grand ». Voilà, donc il y a ici manifestement un titre calqué sur le modèle de Louis XIV. Avec la précision supplémentaire, évidemment, que les médailles sont en or. Mais Voltaire ne va pas se laisser convaincre tout de suite. Dans sa réponse, il évoque le projet, il demande des mémoires, mais il repousse le présent. La suite des médailles est inutile. Elle se trouve dans plusieurs recueils. Et la matière de ces médailles est d'un prix que je ne peux accepter. Je souhaiterais seulement que M. le comte de Chouvaloff voulût bien m'assurer que Sa Majesté l'impératrice désire que ce monument soit élevé à la gloire de l'empereur, son père, et qu'elle agrée mes soins. Alors je pense ici que c'est une coquetterie de Voltaire. Je crois qu'il n'avait qu'une envie, c'est de recevoir ses médailles. Et donc il met ici quelques précautions à accepter. Et le comte envoie le présent, accompagné des mots suivants. Le plan et le titre que vous avez formés sont tels qu'on les désirait. En attendant, je vous envoie la carte de l'Empire et le plan de Pétersbourg avec quelques médailles de Pierre le Grand que j'ai eu l'honneur de vous offrir. Je vous prie, monsieur, d'accepter cette petite marque de ma considération pour vous. Le prix de toutes ces pièces, comme vous voyez, n'est pas considérable. Mais aussi le présent le plus magnifique que je pourrais vous dessiner serait toujours peu de chose en comparaison de l'estime qui vous est due. Alors ici, donc, Ivan Chouvaloff minimise la valeur du présent pour le faire accepter. C'est très habile parce que ça suppose que si ce présent est peu de valeur, il y en aura peut-être d'autres qui seront plus conséquents. Or, il s'agit d'une série de médailles en or. Alors, Voltaire reçoit la série et voilà ce qu'il écrit. « Je vous avoue, monsieur, que les médailles sont de trop. Je suis confus de votre générosité et je ne sais comment m'y prendre pour vous en témoigner ma reconnaissance. Je sens tout le prix de votre présent, mais un présent non moins cher sera celui des mémoires qui me mettront nécessairement en état de travailler à un ouvrage qui sera le vôtre. » Bien. Après réflexion, Voltaire va devenir quand même plus conciliant et il va avouer dans une correspondance successive à Chouvaloff. Au reste, je regarde les médailles de Sa Majesté impériale comme la marque la plus flatteuse de votre bienveillance et comme un témoignage de la perfection où les arts sont parvenus dans votre empire. Donc, s'il admet que ces médailles ne sont pas intéressantes pour l'écriture de l'histoire, il admet quand même que ce sont des objets d'art intéressants. Le comte Chouvaloff va donc tenir compte de ce changement d'attitude de Voltaire vis-à-vis des séries numismatiques et aura lieu un second envoi. En 1760, un second envoi confié au grand-oncle du poète Pouchkine, un second envoi d'une deuxième série métallique. Malheureusement, l'envoi n'arrive pas à destination. On sait que Pouchkine a joué à Vienne, en arrivant à Vienne, a joué les médailles et l'argent qui l'accompagnait, parce qu'il y avait une très forte somme d'argent, et il a terminé sa vie au bagne en conséquence. Et donc Voltaire n'a pas reçu sa deuxième série. Et la Russie a fait emprisonner ce personnage, un délicat, et Voltaire l'apprend, voilà ce qu'il écrit au comte. « Je ne regrette point les 2000 ducats qu'il m'apportait, mais je regrette infiniment les médailles qui faisaient une suite complète et qui servait à l'histoire de Pierre le Grand. Alors vous voyez comme elle a évolué depuis le début. Bon, les médailles, ce n'était pas intéressant du tout pour son histoire. Maintenant, il a compris que ça présentait un intérêt, même si ce n'est pas uniquement un intérêt historique. Son point de vue a complètement évolué. Et il espérait peut-être qu'on lui en envoie une autre série. Bon. Alors, la publication du premier volume de l'histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand en 1759 montre comment Voltaire s'est maintenant familiarisé avec la propagande numismatique russe. Il choisit pour frontispice une médaille de l'impératrice Élisabeth qui célèbre la fondation de l'Université de Moscou en 1754, qui est une œuvre donc du comte Chouvalov et de Michel Lomonosov. Le revers montre la Russie entre les objets des arts et des sciences, qui contemple le monogramme d'Élisabeth sur un piédestal avec au fond les clochers du Kremlin. Le graveur fut le Genevois Antoine Dacier. La signature sur l'original est ici, elle a disparu. Là, je fais un clin d'œil à Ludovic Jouvet, elle a disparu de la gravure, mais nous la voyons bien sur la médaille que je tire du livre que William Halsler a consacré à Dacier. Voilà, et là, vous la voyez, la signature. C'est une belle médaille en or qui se trouve au cabinet de Genève, à l'Académie de Genève. Voilà. Et le revers. Dacier avait été invité à Saint-Pétersbourg et ici il a travaillé sur le dessin d'un poète et d'un érudit de la cour, Jacob von Stalin. Dacier réalisa aussi une pièce pour Pierre Chouvalov. La voici. Homme politique et ingénieur et cousin d'Ivan dont je vous ai parlé précédemment. Ce furent ses deux derniers travaux, car il mourut à Copenhague sur le chemin du retour le 21 octobre 1759. Il avait envoyé des exemplaires de la médaille de l'université à Voltaire, qui trouva ainsi sans difficulté l'inspiration du frontispice du premier volume de son Histoire de l'Empire de Russie. Voltaire offrit un de ses exemplaires au cabinet des curiosités de l'Académie de Genève. À Saint-Pétersbourg, on fut très content du frontispice de cette histoire de l'Empire de Russie et le comte Razumovsky écrivit à Ivan Chouvalov en anglais qu'il regrettait que le papier et les caractères fussent de mauvaise qualité, mais qu'il avait trouvé la médaille de Sa Majesté impériale au début « outstandingly good ». Dans ses anecdotes sur le tsar Pierre le Grand, comme dans son Histoire de l'Empire de Russie, Voltaire évoque le voyage à Paris de Pierre le Grand en 1717. Il rapporte en particulier deux visites qui sont intéressantes pour nous. Une visite à la Monnaie et une autre à la Sorbonne. Voici comment est racontée dans les anecdotes la première visite. Quand il alla voir la Monnaie royale des médailles, on en frappa devant lui de toute espèce et on les lui présentait. Enfin, on en frappa une qu'on laissa exprès tomber à ses pieds et qu'on lui laissa ramasser. Il s'y vit gravé d'une manière parfaite avec ces mots, Pierre le Grand. Le revers était une renommée et la légende « Vires acquirit eundo », allégorie aussi juste que flatteuse pour un prince qui augmentait en effet son mérite par ses voyages. La médaille est bien connue, la verre a été gravée par Jean Duvivier et le revers par Michel Rugg. Mais l'épisode de la chute de la médaille que Pierre le Grand ramasse ne se trouve pas dans les autres sources. Ça me paraît pas très vraisemblable. Voltaire n'est pas toujours à prendre au pied de la lettre. Souvent, il trafique un peu ce qu'il raconte. En réalité, il semble que le tsar ait visité trois fois la Monnaie et une fois le cabinet des médailles, où 30 médailles d'argent et 40 de bronze du même type que celles qu'il avait reçues, furent distribuées aux personnes de sa suite. Il paraît qu'il garda son exemplaire en or de grand module sur son bureau jusqu'à sa mort. Et l'exemplaire a disparu ensuite. On ne sait pas où il est. La Kunstkammer de Saint-Pétersbourg comportait, outre ses collections scientifiques, une série numismatique de Louis XIV. Quant à la visite à la Sorbonne, elle va permettre de conclure cette première partie parce qu'elle va nous faire revenir au duc de Richelieu. Pierre le Grand visita la chapelle de la Sorbonne et s'arrêta devant le tombeau de Richelieu. Et c'est ainsi que Voltaire rapporte l'épisode dans ses anecdotes. Il monta sur le tombeau, embrassa la statue. « Grand ministre, dit-il, que n'es-tu né de mon temps ? Je te donnerai la moitié de mon empire pour m'apprendre à gouverner l'autre. » Un homme qui avait moins d'enthousiasme que le tsar, s'étant fait expliquer ses paroles prononcées en langue russe, répondit « S'il avait donné cette moitié, il n'aurait pas longtemps gardé l'autre. » L'anecdote n'est pas présente chez les autres auteurs qui rendent compte de ce séjour de 1717 de Pierre le Grand à Paris. Il s'agit peut-être d'une tradition orale dont la source serait le duc de Richelieu qui était chargé d'accueillir Pierre le Grand à la Sorbonne. Bien, donc je conclue cette première partie. Il paraît évident que le gouvernement impérial russe pratiquait au XVIIIe siècle une propagande par la médaille à destination internationale. Voltaire en fut la cible privilégiée dans la mesure où sa célébrité pouvait en permettre la diffusion. La préparation de l'histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand s'accompagna d'un appareil numismatique auquel Voltaire résista dans un premier temps pour s'y livrer ensuite entièrement, comme le montre le frontispice choisi pour cet ouvrage. Le manuscrit dont je vous parle offre un exemple de cette propagande antérieure d'une trentaine d'années à celui que nous venons d'analyser. Alors je passe maintenant à la deuxième étape de ma présentation, la comparaison avec le livre des médailles de Louis XIV. La collection qui se trouve donc reportée dans ce manuscrit est russe, presque entièrement consacrée au règne de Pierre le Grand, tsar de 1682 à 1725. Elle comprend 43 pièces, dont seules les trois dernières sont postérieures à la mort de Pierre. Deux sont datées de 1730, se rapportent à l'impératrice Anne, et une est datée de 1727. La question que je me suis posée, c'est de savoir si c'était une collection acquise ou un présent de l'Empire russe. Je pense pour la deuxième solution, mais je n'ai pas d'argument décisif pour en être certain. Si vous en trouvez au cours de mon exposé, je vous prie de me les dire. En tout cas, le manuscrit est français. Il s'inspire manifestement du livre de Louis XIV, sans que ce soit une imitation absolument servile. C'est simplement, disons, une forme d'inspiration. Alors, je vais comparer les deux ouvrages, et puis ensuite les médailles de Louis et les médailles de Pierre. Alors, un premier point commun est le format in-folio. Les deux sont de format in-folio. Le manuscrit est un peu plus petit que le livre, mais seulement de quelques centimètres. Il s'agit bien dans les deux cas d'un grand format d'apparat. Un second point commun est l'utilisation des feuillets seulement au recto. Et je vous rappelle que dans les débats de la petite académie, on avait fait le choix du format la présentation recto uniquement, et je cite ces débats, parce qu'il était incomparablement plus agréable au lecteur d'avoir la médaille et l'explication devant les yeux en même temps. Bien, ça garantissait aussi un certain luxe. Le manuscrit a été exécuté sur papier, à l'encre et au lavis bistre. L'exécution est de très haute qualité. La présentation de la page est similaire à celle de l'imprimé. La médaille est disposée dans la partie supérieure, suivie du texte, le tout dans un encadrement. Alors, je vais donc examiner ces trois aspects. Les médailles. Dans le livre, comme dans le manuscrit, elles suivent l'ordre chronologique. Elles sont présentées à l'avers et au revers, sans aucun accessoire décoratif pour relier les deux faces, sauf ici, c'est la dernière, la médaille 43, médaille du couronnement de l'impératrice Anne, et où vous avez des bélières Donc je pense que c'est une collection et que dans cette collection, la médaille devait avoir des bélières. Et donc on a rajouté cet appareil qui relie les deux médailles. Mais dans tous les autres exemples, vous avez, comme dans le livre de Louis XIV, l'avers et le revers sans lien, hein, entre les deux. Ici, cette dernière médaille est une exception. On a voulu la mettre en valeur. Ce qui importe, comme dans le livre, comme dans le manuscrit, c'est la fidélité à l'original. En 1702, quand le livre de Louis XIV parut, dans sa version in quarto, un des arguments avancés comme publicité pour le livre, c'était que les gravures étaient au même module que les médailles elles-mêmes, c'est-à-dire 4,1 cm. Alors que dans la version in folio, elles étaient agrandies presque du double. Le texte liminaire de l'édition in quarto souligne cet avantage. Je cite « Ce que cette édition a de plus particulier, c'est que toutes les médailles sont gravées de la même grandeur dont elles ont été nouvellement frappées. » Or, dans le manuscrit que je décris, les médailles sont à taille réelle. Bien. C'est d'autant plus intéressant que dans ce manuscrit, les modules sont variables. Il y a une grande partie série uniforme, comme je vais vous le dire, mais pas uniquement. Il y a des variations et donc on a voulu rester fidèle. Il y a un aspect scientifique dans ce manuscrit, c'est la fidélité au module de l'original. Enfin, là, et je fais de nouveau un clin d'œil à Ludovic Jouvet, dans son article du volume 1 du livre des médailles de Louis XIV et leurs livres, avait fait remarquer la disparition des signatures dans les gravures du livre. Or, dans le manuscrit que nous avons, les signatures sont avec un grand soin figurées. Si vous avez un exemple ici d'un graveur de médaille flamand, Gouin, dont la signature est fidèlement reproduite. D'un point de vue numismatique, ce trait est intéressant parce que les médailles de Pierre le Grand ont toutes bénéficié de plusieurs frappes successives sur des coins signés par des artistes différents. Donc là, on peut identifier tout de suite de quel tirage il s'agissait. Alors maintenant, les textes. Les textes sont présentés, vous voyez, d'une manière similaire à celle du livre. Un titre en capital, suivi d'une explication en minuscule. Dans le livre de Louis XIV, comme l'a rappelé Madame Skunk, ce texte se divise toujours en deux paragraphes. Une narration de l'événement, puis une description du revers de la médaille. Dans le manuscrit de Pierre le Grand, le texte est réparti en deux grandes sections, l'avers et le revers. Deux grandes sections qui sont elles-mêmes divisées. Le sujet, la légende, et pour les revers, vous avez l'exergue. Pour Louis le Grand, un alphabet spécial, vous le savez, a été créé, le romain du roi. Pour Pierre le Grand, on fait usage d'une élégante écriture cursive. Dans le livre, une série de culs de lampe avait été créée pour les bas de page. Et ici, eh bien, c'est parfois la calligraphie qui tient lieu de ces culs de lampe. Les encadrements, c'est donc un point commun entre le livre de Louis XIV et ce manuscrit. C'est un manuscrit à encadrement. Pour Louis XIV, ils ont donc été créés par, vous le savez, par Jean Bérin, le décorateur des spectacles de la cour. On l'a mentionné dans la conférence précédente. Dans le livre de Louis XIV, il y avait 26 encadrements différents qui étaient utilisés sans ordre concerté. Pour le manuscrit de Pierre le Grand, tous les encadrements sont différents. Ils sont plus minces, d'un décor plus sobre, sans grotesque, car le décor de Bérin était un décor à grotesque. Néanmoins, on retrouve certains éléments décoratifs semblables. Et alors là, oui, je vais devoir quitter. Voilà. J'ai fait une comparaison du manuscrit et du livre. Vous voyez, vous avez un exemple ici de décor de Jean Bérin et puis un exemple de décor dans le manuscrit. Vous voyez qu'il y a quand même un air de famille dans ces deux décors. Bon, c'est le seul exemple que je donne, mais c'est fréquent dans ces encadrements, l'inspiration qui provient du livre de Louis XIV. Alors, je vais maintenant passer, après vous avoir décrit le manuscrit en comparaison du livre de Louis XIV, je vais passer aux comparaisons des médailles de Louis XIV et des médailles de Pierre le Grand. Le dernier ouvrage de référence sur les médailles de Pierre le Grand, celui de Mikhail Diakov, classe 63 numéros pour Pierre le Grand, mais ce sont des numéros par sujet. Et pour certains sujets, vous avez plusieurs types différents. Et au total, il faut en rajouter une vingtaine, ce qui fait donc un total d'environ 80 médailles créées pour Pierre le Grand de types différents. Avec 40 numéros, notre manuscrit donc rend compte de la moitié des créations dont bénéficia Pierre le Grand. Les principaux médaillistes sont le flamand Salomon Gouin, qui travailla en Russie de 1700 à 1714, un mystérieux Oka, qui a été identifié comme Ossip Kalachnikov, donc un graveur russe, et surtout, beaucoup plus important, c'est l'allemand Philipp Heinrich Müller de Nuremberg. Ce dernier exécuta en 1709 la médaille de la bataille de Poltava, et en 1714, une fois que la Russie a terminé sa guerre contre la Suède, la fameuse guerre du Nord, Müller a reçu une commande d'une série de 28 médailles relatives à toute cette guerre. Et il a donc conçu trois têtes différentes de pierre. Les coins, donc fabriqués en Allemagne, sont arrivés à Moscou en 1716. Cette série est uniforme, sur un module qui rappelle beaucoup celui de Louis XIV, puisque Louis XIV, c'est 4,1 cm. Là, le module est de 4,5 cm, donc vous voyez, c'est très proche. Notre manuscrit comprend 29 numéros portant la signature de cet artiste ou qui lui sont attribuables, soit les trois quarts. Hein. Cette prédominance confère à la collection un caractère uniforme qui la rapproche de l'histoire métallique française. Néanmoins, la série se trouve interrompue par six grands modules, deux ovales, et à la fin, vous avez deux monnaies, et puis la pièce à Bélière que je vous ai montrée tout à l'heure pour le couronnement d'Anne. Autre différence, alors que Louis XIV était l'unique héros de sa série, celle de Pierre le Grand admet deux particuliers, l'amiral Apraxine, qui a été un héros de la guerre du Nord, hein, c'est le numéro 15, le voici, l'amiral Apraxine, et puis le vice-roi de Sibérie, Golovin, qui a fixé les frontières avec la Chine. Voilà. Bien, donc l'uniformité n'est pas absolue, mais disons que les médailles qui ne sont pas de la série uniforme de Müller sont minoritaires. Alors, l'uniformité donc est prédominante à cause de cette série de Müller. On constate aussi une certaine uniformité dans les sujets des médailles de Pierre le Grand. Il y a une écrasante prédominance des médailles qui montrent des plans de ville ou bien des batailles. C'est presque un tiers du recueil, 17 pièces. Proportionnellement, le sujet est moins fréquent chez Louis XIV. Dans son livre de 1702, on n'en trouve que 11 sur 286. Presque toutes représentent des ports. Alors, je vais maintenant comparer certaines médailles. Et vous allez voir, la similitude d'inspiration. Voilà, la médaille sur la capitulation de Pernau, et puis la médaille sur la prise de Thionville. On voit bien qu'il y a quand même ici une ressemblance frappante, hein, mais qui passe par l'intermédiaire de l'Allemagne. C'est Müller qui est l'auteur de ces médailles. Autre exemple. La prise d'Hunemonde ne diffère pas beaucoup de Dunkerque fortifié. Et c'est véritablement presque des imitations. Hein. Autre exemple. La bataille donnée par le Tsar sur le bord du Vasa fait penser au port de Toulon. Il y a là indéniablement une similitude d'inspiration. Ce qu'on aime aussi, ce sont les scènes de bataille, les prises de ville par bombardement, qui sont au nombre de 5, alors que chez Louis XIV aussi elles existent, mais elles sont relativement rares. On nous avait montré précédemment la prise de Tabago, le bombardement de Tabago, ça a été montré tout à l'heure. Eh bien, une des médailles de Pierre le Grand fait penser à cette prise de Tabago, c'est la prise de Riga en Lettonie. Vous voyez qu'on a la médaille de la même, à peu près de la même composition. Hein, très proche. Hein. Les allégories mythologiques, qui sont si fréquentes dans le recueil de Louis XIV, sont plus rares dans celui du Tsar. Hein. Voilà. La navigation établie dans la mer Baltique ressemble beaucoup à la marine florissante, sauf que les Français, peuple pratique, industrieux, ont ajouté une roue à aube sur la coquille du char de la mer. Je vois déjà un débat entre les académiciens que le char enfin, doit avancer avec une roue à aube. Bien, mais enfin, vous voyez que le type est tout à fait semblable, avec sans doute un prototype antique pour les deux. Voilà. Pour les similitudes, vous voyez que cette série par Müller a certainement des points communs avec le livre de Louis XIV. Mais ce n'est pas toujours le cas, il ne faut pas toujours penser à Louis XIV. Pour figurer la conquête de la Livonie, a été choisi le type d'un Hercule, et Evgenia Shukina a avancé que Müller avait trouvé ceci dans un livre dédié à Pierre le Grand en 1704, « Les symbola et emblemata ». Vous voyez, qui aurait été ici, le type d'Hercule aurait été pris. Mais cela dit, c'est un type extrêmement répandu. Hein. En revanche, sous Anne, Evgenia Shukina a mis en valeur des projets de Christian Goldbach qui se réclamait lui-même du modèle Louis XIVien. Voilà les projets en question qui se trouvent à Saint-Pétersbourg. Et là, c'est très, très, beaucoup plus nettement à l'image des médailles de Louis XIV et l'auteur lui-même s'en réclamait. Enfin, les médailles de Pierre présentent deux traits qui les distinguent très nettement de la production française. Premier trait qui les distingue, c'est qu'elles étaient souvent conçues d'abord comme des pièces de récompense distribuées aux combattants avec bélière et inscription russe et très hiérarchisées, c'est-à-dire que le métal correspondait au rang. Hein, de l'or pour les officiers, de l'argent et puis du bronze hein, pour les soldats. Hein. Et qu'à partir de ces médailles qui portaient des inscriptions russes, eh bien, on composait des médailles commémoratives qui étaient destinées à la diffusion internationale. Voilà un exemple pour la prise de Hanko, qui est un promontoire non loin de Stockholm. Vous avez la première version, qui a été donc une médaille de récompense pour la bataille, distribuée aux militaires, avec Bélière. Et puis, la reprise par Müller, vous voyez ici, il signe ici M, la reprise par Müller avec légende latine, là c'était une légende en russe, légende latine, ajout d'une allégorie, mais enfin la composition de la médaille est à peu près la même, cette fois pour la diffusion internationale. Ça, c'est un premier point de distinction. Et puis, je pense ici évidemment à Robert Wellington, qui nous a montré un processus inverse, car les médailles de Louis XIV étaient d'abord des médailles commémoratives. Hein. Robert Wellington nous a montré dans son article du volume 1, nous a montré comment les médailles commémoratives de Louis XIV pouvaient devenir des médailles de récompense chez les Indiens d'Amérique qui les portaient jusque dans leur tombe. Hein. Mais le processus est inverse. Pour les médailles de Louis XIV. En Russie, c'est d'abord des médailles de récompense qui deviennent des médailles commémoratives, avec évidemment cette distinction diffusion interne et puis diffusion externe. Et puis, autre différence que j'ai relevée, un aspect totalement étranger aux médailles de Louis XIV, qui, je pense, est peut-être d'origine allemande, c'est l'utilisation des chronogrammes. Dans les légendes, certaines lettres capitales sont plus grandes que d'autres et elles indiquent ainsi la date. C'est ce qu'on appelle chronogramme. Et ça, sur les médailles de pierre, c'est un procédé fréquent. Je ne sais pas, enfin, je n'ai pas mis d'exemple, mais on en verra peut-être en cours de route. Hein. Bien, j'arrive maintenant à la troisième partie. Donc, après avoir fait les différences et ressemblances entre le manuscrit et le livre de Louis XIV, et puis entre les médailles de Pierre le Grand et les médailles de Louis XIV, j'arrive maintenant à la comparaison du manuscrit avec les autres histoires métalliques de l'Empire de Russie, car il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Il y a celle qui a été dédiée en 1772 à Catherine II, hein, médaille sur les principaux événements de l'Empire de Russie. Depuis le règne de Pierre le Grand jusqu'à celui de Catherine II, avec des explications historiques. Donc, vous voyez, c'est complètement calqué sur le titre du livre de Louis XIV. Mais c'est évidemment, c'est postérieur à notre manuscrit. Et puis, il y en a aussi une autre. Et comment est-ce que je suis arrivé à découvrir cette autre histoire métallique ? Eh bien, c'est justement en regardant ces médailles de l'Empire de Russie de Rico de Tirgal, dédiées à Catherine II. Voilà ce que je dis dans l'avant-propos. Cette histoire métallique du règne de Pierre Ier nous avait été annoncée en 1725 par le baron Ivan Nestesouranoï, qui devait servir de suite à son ouvrage intitulé « Mémoire du règne de Pierre le Grand ». Cependant, jusqu'ici, on n'a vu que quelques médailles qu'un auteur anonyme a insérées en 1742 dans l'histoire de cet empire pour prouver l'authenticité des faits qu'il avançait. Soit qu'il n'ait pas été à même de se les procurer toutes, selon l'ordre et la suite des faits, ou qu'il n'ait pas voulu se charger d'un ouvrage aussi pénible, quelques jours qu'il dut répandre sur l'histoire de ce grand empire. Alors, je dois vous dire tout de suite que le baron Ivan Nestesouranoï n'est ni baron ni russe. Il s'agit de l'historien Jean Rousset de Missy, c'est donc un pseudonyme. Voltaire possédait son livre. Il le méprise, ce livre, mais en fait, on sait qu'il s'en sert beaucoup, car ce livre a été annoté et on retrouve des passages qui sont quasiment copiés de ce livre de Rousset de Missy. Alors, je me suis reporté à ce Rousset de Missy, ce baron Ivan Nestesouranoï, et au début du deuxième volume de son Histoire de Russie, paru en 1725, Rousset de Missy promettait en effet: au lieu de trois volumes que nous avions promis d'abord, nous vous en donnerons cinq. Le troisième sera la suite de celui-ci, l'un des deux autres, une histoire métallique du règne de Pierre le Grand, dont nous avons recueilli toutes les médailles. Alors, cette histoire métallique, comme le disait Rico de Tirgal, n'a jamais paru, mais ça nous permet quand même d'ajouter une quatrième série de médailles de Pierre le Grand, après les deux de Voltaire et après celle qui a servi de base à notre manuscrit. À la différence de celles de Voltaire qui furent des présents impériaux, nous avons ici une série qui a été constituée par un particulier qui était un historien. Rico de Tirgal mentionne aussi un auteur anonyme dont l'œuvre date de 1742. Alors, il n'est pas difficile à retrouver, il n'y a qu'une personne qui a publié en 1742 une histoire de Russie. Il s'agit de Éléazar de Mauvillon. Il a publié sous l'anonymat une histoire de Pierre Ier, surnommé le Grand, empereur de toutes les Russies, roi de Sibérie, de Kazan, d'Astrakhan, grand-duc de Moscovie, etc., etc., etc., enrichi de plans de bataille et de médailles. Alors, cet ouvrage existe en deux formats. Un format in quarto, avec un frontispice, que je vous montre ici, un beau, beau frontispice, avec le fort de Kronschloss que Pierre le Grand a fait construire. Un bandeau avec une médaille de Müller, stylisée, hein, là il n'y a pas la signature. Mais vous allez voir que dans l'ouvrage de Éléazar de Mauvillon, les médailles qui sont incluses comportent la signature. Hein, il y a une fidélité à l'original. Alors il y a donc le volume in quarto que je vous présente ici, mais en même temps, la même année, un volume in 12, où les médailles ne sont pas reproduites, mais sont seulement décrites. Alors, le volume in quarto reproduit 27 médailles, et comme le disait Tirgal, la série n'est pas complète. Prenons comme exemple la première occurrence dans ce volume. La voici. La voici. Et donc là, est-ce que j'ai un moyen de grandir, de grossir? Ah voilà, nous y arrivons. Voilà. Et vous voyez ici le M de Müller qui est reproduit. Et alors, la médaille, et ensuite, elle arrive après la narration historique. Si vous voulez, c'est une histoire métallique qui est encastrée dans une histoire narrative. Et donc, vous avez une formule de transition qui permet d'intégrer la médaille. Ici, c'est « et pour leur montrer », c'est-à-dire à ces peuples, il s'agit de Pierre le Grand, que l'immortalité était la récompense des grandes nations, il fit frapper une médaille sur la prise de Notebourg, telle qu'on la voit ici. Et ensuite, vous avez donc la légende qui est reproduite et puis traduite pour l'avers et pour le revers, avec description de l'avers et du revers. Et il y en a donc 27 comme de ce type, fidèles, des reproductions gravées fidèles, avec fidélité au module. Un autre exemple pour une médaille plus grande, voyez ici, la médaille est de... Alors j'ai vérifié les formats, pour la précédente c'est 4,5 cm, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la série uniforme de Müller, mais pour celle-ci c'est 6,5 cm, et donc c'est au format. Au format. Pour finir la série, vous avez une médaille du couronnement de Catherine, l'épouse de Pierre Ier. Donc, il projetait que son épouse lui succéderait, et donc il l'a couronnée. Et ici, vous avez le jeton qui était jeté au peuple au moment de ce couronnement. Et c'est comme ça que se termine notre manuscrit avec la médaille du couronnement d'Anne, que je vous ai montré tout à l'heure en 1730, et juste avant, vous avez là le jeton qui a servi, enfin, monnaie d'or, que la tsarine Anne fut frappée pour être jetée au peuple le jour de son couronnement. Voilà. Alors, je termine sur ce feuillet. Oui, pour constater aussi que très souvent, l'auteur du manuscrit n'est pas informé sur les événements. Quand la médaille n'est pas explicite, eh bien, au lieu d'avoir un titre qui se rapporte à l'événement, on a tête du tsar. Moi, c'est commode. Là, il savait pas ce que c'était. Ici, c'est une médaille, constatée, une médaille ovale sur la victoire de Kalisch. Et bon, il savait pas ce que c'était. Donc là, on a quelqu'un qui est très mal informé. Il y a un aspect scientifique. Les médailles sont très fidèlement reproduites. Mais alors, leur explication, quand la médaille n'est pas explicite, on a soit tête du tsar, soit alors des choses vagues. Par exemple, ici, sur une bataille gagnée par le tsar. On ne sait pas laquelle. Autre exemple. Non, là, je reviens à mon point de départ. Alors, je conclue. Je conclue. Nous avons ici une très belle œuvre d'art par la finesse des dessins de médailles, par les encadrements qui sont tous différents, par la calligraphie qui est très élégante. C'est une belle œuvre d'art. C'est aussi un instrument de science numismatique, par la fidélité au format réel des pièces, avec le détail des signatures. Bon, ici, c'était donc un original qui était sans signature. Le texte descriptif est parfois insuffisant. En revanche, ce que j'ai noté, c'est que les traductions du russe sont fidèles. Alors là, il y avait quelqu'un qui lui traduisait le russe, mais il ne connaissait pas les événements. C'est quand même étrange. Bien. Peut-être que les médailles étaient accompagnées de petits papiers avec les traductions et qu'il n'a pas su se renseigner sur les événements. Voilà. Alors, les médailles elles-mêmes, on constate des similitudes entre les médailles de Louis XIV et de Pierre le Grand, notamment avec la série de Philipp Heinrich Müller. Mais certaines sont différentes, quand ce sont des productions russes, par exemple. Et puis, il y a quand même des différences très nettes entre les médailles de Pierre le Grand et de Louis XIV. C'est cette pratique des médailles de récompense qui deviennent des médailles commémoratives. Et puis, la pratique du chronogramme. Il n'y en a pas... Un chronogramme, on en oui. On a vu passer un dans les dernières. Ah bon, on en a vu passer un. Bon, alors... Oui, il y en a un là. Il y en a un là. C'est ce qu'on voit jamais sur les médailles de Louis XIV. Ici, vous voyez, les capitales sont plus grandes et en fait, elles désignent la date. C'est pas dans l'ordre. Pas toujours. Voilà. Bien. Alors, je termine en disant que... Je n'ai pas réussi à savoir si c'était une collection qui avait été acquise ou qui avait été donnée par le gouvernement impérial. Je pense plutôt pour cette deuxième solution. Mais si vous avez des arguments, donnez-les-moi. Voilà, j'ai terminé.